231e nuit. Dès que le vieillard eut donné l'ordre cruel par où j'achevais hier de parler, Gazban se saisit d'Assa dans le maltraitant, le fit descendre sous la salle, et après l'avoir fait passer par plusieurs portes jusque dans un cachot où l'on descendait par 20 marches, il l'attacha par les pieds à une chaîne des plus grosses et des plus pesantes. Aussitôt qu'il eut achevé, il alla avertir les filles du vieillard. Mais le vieillard leur parlait déjà lui-même. « Mes filles, leur dit-il, descendez là-bas et donnez la bastonnade de la manière que vous savez aux musulmans dont je viens de faire capture. Et ne l'épargnez pas. Vous ne pouvez mieux marquer que vous êtes de bonnes adoratrices du feu. » Bostan et Kavam, nourries dans la haine contre tous les musulmans, reçurent cet ordre avec joie. Elles descendirent au cachot dès le même moment, dépouillèrent Assad, le bastonnèrent impitoyablement jusqu'au sang et jusqu'à lui faire perdre connaissance. Après cette exécution si barbare, elles mirent un pain et un pot d'eau près de lui et se retirèrent. Assad ne revint à lui que longtemps après, et ce ne fut que pour verser des larmes par ruisseaux en déplorant sa misère, avec la consolation néanmoins que ce malheur n'était pas arrivé à son frère Amjad. Le prince Amjad attendit son frère Assad jusqu'au soir, au pied de la montagne, avec grande impatience. Quand il vit qu'il était 2, 3 et 4 heures de nuit et qu'il n'était pas venu, il pensa se désespérer. Il passa la nuit dans cette inquiétude désolante, et dès qu'elle parut, il s'achemina vers la ville. Il fut d'abord très étonné de ne voir que très peu de musulmans. Il arrêta le premier qu'il rencontra et le pria de lui dire comment elle s'appelait. On apprit que c'était la ville des mages, ainsi nommée à cause que les mages, adorateurs du feu, y étaient en plus grand nombre, et qu'il n'y avait que très peu de musulmans. Il demanda aussi combien on comptait de là à l'île d'Ébène. Et la réponse qu'on lui fit fut que par la mer il y avait 4 mois de navigation et 1 année de voyage par terre. Celui à qui il s'était adressé le quitta brusquement après qu'il l'eut satisfait sur ses 2 demandes et continua son chemin parce qu'il était pressé. Amjad, qui n'avait mis qu'environ 6 semaines à venir de l'île d'Ébène avec son frère Assad, ne pouvait comprendre comment ils avaient fait tant de chemin en si peu de temps, à moins que ce ne fût par enchantement, ou que le chemin de la montagne par où ils étaient venus ne fût un chemin plus court qui n'était point pratiqué à cause de sa difficulté. En marchant par la ville, il s'arrêta à la boutique d'un tailleur qu'il reconnut pour musulman à son habillement, comme il avait déjà reconnu celui à qui il avait parlé. Il s'assit près de lui après qu'il l'eut salué et lui raconta le sujet de la peine où il était. Quand le prince Amjad eut achevé, « Si votre frère, reprit le tailleur, est tombé entre les mains de quelque mage, vous pouvez faire état de ne le revoir jamais. Il est perdu sans ressources, et je vous conseille de vous en consoler et de songer à vous préserver vous-même d'une semblable disgrâce. Pour cela, si vous voulez me croire, vous demeurerez avec moi, et je vous instruirai de toutes les ruses de ces mages, afin que vous vous gardiez d'eux quand vous sortirez. » Amjad, bien affligé d'avoir perdu son frère Assad, accepta l'offre et remercia le tailleur 1000 fois de la bonté qu'il avait pour lui. Histoire du prince Amjad et d'une dame de la ville des mages. Le prince Amjad ne sortit pour aller par la ville pendant 1 mois entier qu'en la compagnie du tailleur. Il se hasarda enfin d'aller seul au bain. Au retour, comme il passait par une rue où il n'y avait personne, il rencontra une dame qui venait à lui. La dame, qui vit un jeune homme très bien fait et tout frais sorti du bain, leva son voile et lui demanda où il allait d'un air riant, en lui faisant les yeux doux. Amjad ne put résister au charme qu'elle lui fit paraître. « Madame, répondit-il, je vais chez moi ou chez vous, cela est votre choix. » « Seigneur, répondit la dame avec un sourire agréable, les dames de ma sorte ne mènent pas les hommes chez elles, elles vont chez eux. » Amjad fut dans un grand embarras de cette réponse à laquelle il ne s'attendait pas. Il n'osa prendre la hardiesse de la mener chez son hôte, qui s'en serait scandalisé, où il aurait couru risque de perdre la protection dont il avait besoin dans une ville où il y avait tant de précautions à prendre. Le peu d'habitude qu'il y avait faisait aussi qu'il ne savait aucun endroit où la conduire, et il ne pouvait se résoudre de laisser échapper une si belle fortune. Dans cette incertitude, il résolut de s'abandonner au hasard, et sans répondre à la dame, il marcha devant elle, et la dame le suivit. Le prince Amjad l'amena longtemps de rue en rue, de carrefour en carrefour, de place en place, et ils étaient fatigués de marcher l'un et l'autre, lorsqu'il enfila une rue qui se trouva terminée par une grande porte fermée, d'une maison d'assez belle apparence, avec deux bancs, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Amjad s'assit sur l'un, comme pour reprendre haleine, et la dame, plus fatiguée que lui, s'assit sur l'autre. Quand la dame fut assise, « C'est donc ici votre maison, » dit-elle au prince Amjad. « Vous le voyez, madame, » reprit le prince. « Pourquoi donc n'ouvrez-vous pas ? » répartit-elle. « Qu'attendez-vous ? » « Ma belle, » répliqua Amjad, « c'est que je n'ai pas la clé. Je l'ai laissée à mon esclave, que j'ai chargé d'une commission d'où il ne peut pas être encore revenu. » Et comme je lui ai demandé, après qu'il aurait fait cette commission, de m'acheter de quoi faire un bon dîner, je crains que nous ne l'attendions encore longtemps. La difficulté que le prince trouvait à satisfaire sa passion, dont il commençait à se repentir, lui avait fait imaginer cette défaite, dans l'espérance que la dame donnerait dedans, et que le dépit l'obligerait de le laisser là, et d'aller chercher fortune ailleurs. Mais il se trompa. « Voilà un impertinent esclave de se faire ainsi attendre, » reprit la dame. « Je le châtierai moi-même, comme il le mérite, si vous ne le châtiez pas bien quand il sera de retour. » Il n'est pas bien séant, cependant, que je demeure seule à une porte avec un homme. » En disant cela, elle se leva et ramassa une pierre pour rompre la serrure qui n'était que de bois et fort faible à la mode du pays. Amjad, au désespoir de ce dessein, voulut s'y opposer. « Madame, dit-il, que prétendez-vous faire? De grâce, donnez-vous quelques moments de patience. » « Qu'avez-vous à craindre ? » reprit-elle. « La maison n'est-elle pas à vous ? Ce n'est pas une grande affaire qu'une serrure de bois rompue, il est aisé d'en remettre une autre. » Elle rompit la serrure, et dès que la porte fut ouverte, elle entra et marcha devant. Amjad se tint pour perdu quand il vit la porte de la maison forcée. Il hésita s'il devait entrer ou s'évader pour se délivrer du danger qu'il croyait indubitable, et il allait prendre ce parti lorsque la dame se retourna et vit qu'il n'entrait pas. « Qu'avez-vous que vous n'entrez pas chez vous ? » lui dit-elle. « C'est, madame, répondit-il, que je regardais si mon esclave ne revenait pas, et je crains qu'il n'y ait rien de près. »« Venez, venez, » reprit-elle, « nous attendrons mieux ici que dehors en attendant qu'il arrive. » Le prince Amjad entra, bien malgré lui, dans une cour spacieuse et proprement pavée. De la cour, il monta par quelques degrés à un grand vestibule, où ils aperçurent, lui et la dame, une grande salle ouverte, très bien meublée, et dans la salle, une table de mets exquis, avec une autre chargée de plusieurs sortes de beaux fruits, et un buffet garni de bouteilles de vin. Quand Amjad vit ses apprêts, il ne douta plus de sa perte. « C'est fait de toi, pauvre Amjad, » dit-il en lui-même, « tu ne survivras pas longtemps à ton cher frère Assad. » La dame, au contraire, ravie de ce spectacle agréable. « Et quoi, seigneur ? » s'écria-t-elle. « Vous craigniez qu'il n'y eût rien de près. Vous voyez cependant que votre esclave a fait plus que vous ne croyez. Mais si je ne me trompe, ces préparatifs sont pour une autre dame que moi. Cela n'importe. Qu'elle vienne, cette dame, je vous promets de n'en être pas jalouse. La grâce que je vous demande, c'est de bien vouloir souffrir que je la serve et vous aussi. » Amjad ne put s'empêcher de rire de la plaisanterie de la dame, tout affligé qu'il était. « Madame, » reprit-il en pensant tout autre chose qui le désolait dans l'âme, « je vous assure qu'il n'est rien moins que ce que vous imaginez. Ce n'est là que mon ordinaire, bien simplement. » Comme il ne pouvait se résoudre à se mettre à table, qui n'avait pas été préparée pour lui, il voulut s'asseoir sur le sofa. Mais la dame l'en empêcha. « Que faites-vous ? » lui dit-elle. « Vous devez avoir faim après le bain. Mettons-nous à table. » « Mangeons et réjouissons-nous. » Amjad fut contraint de faire ce que la dame voulut. Ils se mirent à table et ils mangèrent. Après les premiers morceaux, la dame prit un verre et une bouteille, se versa à boire et but la première à la santé d'Amjad. Quand elle eut bu, elle remplit le même verre et le présenta à Amjad qui lui fit raison. Plus Amjad faisait réflexion sur son aventure, plus il était dans l'étonnement de voir que le maître de la maison ne paraissait pas, et même qu'une maison où tout était si propre et si riche était sans un seul domestique. Mon bonheur serait bien extraordinaire, se disait-il à lui-même, si le maître pouvait ne pas venir, que je ne fusse sorti de cette intrigue. Pendant qu'il s'entretenait de ses pensées et d'autres plus fâcheuses, la dame continuait de manger, buvait de temps en temps et l'obligeait à faire de même. Ils en étaient bientôt aux fruits lorsque le maître de la maison arriva. C'était le grand écuyer du roi des mages et son nom était Bahader. La maison lui appartenait, mais il en avait une autre où il faisait sa demeure ordinaire. Celle-ci ne lui servait qu'à se régaler, en particulier avec 3 ou 4 amis choisis. Il y faisait tout à portée de chez lui, et c'est ce qu'il avait fait faire ce jour-là par quelques-uns de ses gens, qui ne faisaient que de sortir peu de temps avant qu'Amjad et la dame arrivassent. Bahader arriva sans suite et déguisé, comme il le faisait presque ordinairement, et il venait un peu avant l'heure qu'il avait donnée à ses amis. Il ne fut pas peu surpris de voir la porte de sa maison forcée. Il entra sans faire de bruit, et comme il eut entendu que l'on parlait et que l'on se réjouissait dans la salle, il se coula le long du mur et avança la tête à demi à la porte pour voir quels gens c'étaient. Comme il eut vu que c'était un jeune homme et une jeune dame qui mangeaient à la table, qui n'avait été préparée que pour ses amis et pour lui, et que le mal n'était pas si grand qu'il s'était imaginé d'abord, il résolut de s'en divertir. La dame, qui avait le dos un peu tourné, ne pouvait pas voir le grand écuyer. Mais Amjad l'aperçut d'abord, et alors il avait le verre à la main. Il changea de couleur à cette vue, les yeux attachés sur Bahader, qui lui fit signe de ne dire mot et de venir lui parler. Amjad but et se leva. « Où allez-vous ? » lui demanda la dame. « Madame, dit-il, demeurez, je vous prie, je suis à vous dans le moment. Une petite nécessité m'oblige de sortir. » Il trouva Bahader qui l'attendait sous le vestibule et qui le mena dans la cour pour lui parler, sans être entendu de la dame.